Chapitre 11e. Les Afrites. Il ne m'a pas semblé indifférent d'étudier dans une seule femme d'Orient le caractère probable de beaucoup d'autres, mais je craindrais d'attacher trop d'importance à des minuties. Cependant, qu'on imagine ma surprise, lorsqu'en entrant un matin dans la chambre de l'esclave, je trouvai une guirlande d'oignons suspendue en travers de la porte, et d'autres oignons disposés avec symétrie au-dessus de la place où elle dormait. Croyant que c'était un simple enfantillage, je détachai ces ornements peu propres à parer la chambre, et je les envoyai négligemment dans la cour. Mais voilà l'esclave qui se lève, furieuse et désolée, s'en va ramasser les oignons en pleurant, et les remet à leur place avec de grands signes d'adoration. Il fallut, pour s'expliquer, attendre l'arrivée de Mansour. Provisoirement, je recevais un déluge d'imprécations dont la plus claire était le mot « pharaon ». Je ne savais trop si je devais me fâcher ou la plaindre. Enfin, Mansour arriva, et j'appris que j'avais renversé un sort, que j'étais cause des malheurs les plus terribles qui fondraient sur elle et sur moi. « Après tout, dis-je à Mansour, nous sommes dans un pays où les oignons ont été des dieux. Si je les ai offensés, je ne demande pas mieux que de leur connaître. Il doit y avoir quelque moyen d'apaiser le ressentiment d'un oignon d'Égypte. » Mais l'esclave ne voulut rien entendre et répétait en se tournant vers moi « Pharaon ». Mansour m'apprit que cela voulait dire un être impie et tyrannique. Je fus affecté de ce reproche, mais bien aise d'apprendre que le nom des anciens rois de ce pays était devenu une injure. Il n'y avait pas de quoi s'en fâcher, pourtant. On m'apprit que cette cérémonie des oignons était générale dans les maisons du Caire un certain jour de l'année. Cela sert à conjurer les maladies épidémiques. Les craintes de la pauvre fille se vérifièrent en raison probablement de son imagination frappée. Elle tomba malade assez gravement, et quoi que je pusse faire, elle ne voulut suivre aucune prescription de médecin. Pendant mon absence, elle avait appelé deux femmes de la maison voisine en leur parlant d'une terrasse à l'autre, et je les trouvais installées près d'elle qui récitaient des prières, et faisaient, comme me l'apprit Mansour, des conjurations contre les Afrites ou mauvais esprits. Il paraît que la profanation des oignons avait révolté ces derniers et qu'il y en avait deux spécialement hostiles à chacun de nous, dont l'un s'appelait le vert et l'autre le doré. Voyant que le mal était surtout dans l'imagination, je laissai faire les deux femmes qu'en amenèrent enfin une autre très vieille. C'était une centone renommée. Elle apportait un réchaud qu'elle posa au milieu de la chambre et où elle fit brûler une pierre qui me sembla être de l'alun. Cette cuisine avait pour objet de contrarier beaucoup les Afrites, que les femmes voyaient clairement dans la fumée et qui demandaient grâce. Mais il fallait extirper tout à fait le mal. On fit lever l'esclave, et elle se pencha sur la fumée, ce qui provoqua une toux très forte. Pendant ce temps, la vieille lui frappait le dos et toutes chantaient d'une voix traînante des prières et des imprécations arabes. Mansour, en qualité de chrétien copte, était choqué de toutes ces pratiques. Mais si la maladie provenait d'une cause morale, quel mal y avait-il à laisser agir un traitement analogue? Le fait est que, dès le lendemain, il y eut un mieux évident et la guérison s'ensuivit. L'esclave ne voulut plus se séparer des deux voisines qu'elle avait appelées et continuait à se faire servir par elles. L'une s'appelait Khartoum et l'autre Zabetta. Je ne voyais pas la nécessité d'avoir tant de monde dans la maison et je me gardais bien de leur offrir des gages. Mais elle leur faisait des présents de ses propres effets et comme c'était ceux qu'Abdelkérim lui avait laissés, il n'y avait rien à dire. Toutefois, il fallut bien les remplacer par d'autres et en venir à l'acquisition tant souhaitée du habara et du yalek. La vie orientale nous joue de ses tours. Tout semble d'abord simple, peu coûteux, facile. Bientôt, cela se complique de nécessité, d'usage, de fantaisie, et l'on se voit entraîner à une existence pachalesque qui, jointe au désordre et à l'infidélité des comptes, épuise les bourses les mieux garnies. J'aurais voulu m'initier quelque temps à la vie intime de l'Égypte, mais peu à peu je voyais tarir les ressources futures de mon voyage. « Ma pauvre enfant, dis-je à l'esclave en lui faisant expliquer la situation, si tu veux rester au Caire, tu es libre. » Je m'attendais à une explosion de reconnaissance. « Libre ? » dit-elle. « Et que voulez-vous que je fasse ? Libre ? Mais où irai-je ? Revendez-moi plutôt à Abdelkérim. » Mais, ma chère, un Européen ne vend pas une femme. Recevoir un tel argent, ce serait honteux. Eh bien, dit-elle en pleurant, est-ce que je puis gagner ma vie, moi? Est-ce que je sais faire quelque chose? Ne peux-tu pas te mettre au service d'une dame de ta religion? Moi, servante? Jamais. Revendez-moi.